La séance d'explication consacrée à la journée internationale de yoga organisée par l'ambassade indienne en Corée s'est déroulée le 28 à la maison du corps diplomatique Taedonggang à Pyongyang. Y ont été invités les officiels intéressés et les représentants diplomatiques et des institutions internationales en Corée. Y ont pris part l'ambassadeur indien en Corée, Jasmindar Kasturian, et ses collaborateurs. On y a expliqué les exercices physiques indiens largement connus comme mouvements de santé en Inde et dans divers pays du monde. Il y a eu ensuite la démonstration de yoga.